Merci Manu Farine. Et si nous étions tous foutus ? Je veux dire, et si c'était trop tard ? Si on avait perdu collectivement le combat contre le réchauffement climatique, la surpopulation, l'effondrement de la biodiversité, les inégalités sociales, c'est ce qu'étudie la collapsologie. Comment expliquer que deux jumeaux homozygotes ne soient pas exactement semblables grâce à l'épigénétique et à l'influence de l'environnement sur notre génome ? Et enfin, quoi de plus petit qu'un atome ? Un proton, ok, quoi de plus petit qu'un proton ? Un quark. Mais comment tout ça s'organise ? Comment connaît-on la nature de ces particules élémentaires ? On vous dit tout, si vous êtes sages, à la fin de cette émission. Collapsologie, épigénétique et théorie des quarks, c'est le programme copieux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour dérouler ce programme aussi copieux donc qu'un banquet de mariage, nos noceuses et nos noceurs scientifiques du jour sont Caroline Tourbe, bonjour. Bonjour. Chef du pôle santé-médecine du magazine Science et Vie, Mathias Germain, bonjour. Bonjour. Du magazine La Recherche, et nous sommes ravis d'accueillir un petit nouveau à ce buffet scientifique du vendredi, Laurence Sacco, bonjour. Bonjour. Du site Futura Science, bienvenue à vous. Et puisqu'on parle de banquet, elle est le all you can eat de l'actualité scientifique, le carpaccio à volonté des dernières nouvelles de la recherche internationale. Natacha pour le journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude publiée dans la revue Nature, Ecology and Evolution. Les plantes disparaissent deux fois plus vite que les amphibiens, les mammifères et les oiseaux combinés. Et on parle beaucoup de la perte de la diversité animale, mais moins de la biodiversité végétale. C'est une étude qui fait écho au récent rapport de l'IPBES sur l'effondrement du vivant. Et en janvier également, on apprenait que environ 15% de la flore sauvage en France était menacée de disparition. Alors on est tous capables de nommer une espèce animale éteinte. Par contre, pour les plantes, c'est moins sûr. Si je demande autour de cette table, par exemple... Une espèce végétale éteinte, Caroline ? Moi ? Vous n'êtes pas une plante, Caroline, on vous l'a répété suffisamment. Mathias ? Ah, je ne saurais pas dire non plus. Je pense au dodo, mais c'est un animal. Oui, non, ça ne marche pas. Je pense que je ne saurais pas dire non plus. Eh bien voilà. Voilà, donc on peut la démonstration citer... est édifiante, mesdames et messieurs. La crème de la crème du journalisme scientifique en France. Voilà, donc on peut citer le bois de santal du Chili, l'olivier à fleurs roses de Sainte-Hélène. Ce sont des plantes qui sont inscrites sur la liste rouge de l'UICN qui répertorie les espèces protégées ou disparues. Alors cette étude, c'est un travail de fond de bibliographie sur des inventaires faits un peu partout sur le terrain, et cela a permis de revisiter la liste des espèces disparues. Résultat, entre 1753 et 2018, 571 espèces de plantes ont disparu. C'est 4 fois plus qu'on pensait. Marc-André Cellos est professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il parle d'un taux d'extinction beaucoup trop élevé. On a perdu 0,2% des espèces de plantes, alors que par exemple, les espèces d'animaux et de mammifères, on a perdu 5%. Alors c'est moins, mais ça veut juste dire que le rythme de disparition n'est pas le même et qu'il y a un léger retard. Par contre, en tendance, c'est extrêmement affolant puisqu'on compte qu'on aurait perdu un huitième des espèces en 2050. Donc là, c'est en train de s'accélérer. C'est préoccupant parce que ça veut dire que finalement, même si dans le détail, ça se passe différemment des animaux, il y a quand même un mécanisme qui est en train de s'accélérer. Il y a quelques chiffres qui sont donnés par les auteurs de cette étude et qui disent que le taux actuel d'extinction, il est deux fois ce qu'il était avant 1900. Ils estiment quel est le taux d'extinction spontanée des espèces. Et quand ils le comparent au taux actuel, nous sommes à 500 fois le taux de base d'extinction attendu, puisque l'extinction, ça fait partie de la vie. On peut s'éteindre, les espèces, il arrive qu'elles disparaissent. On est à 500 fois le taux d'extinction. qui se produirait spontanément. Donc au total, oui, on a bien une extinction. Dans cette étude, on apprend que les zones les plus touchées par cette extinction massive, ce sont les îles et les zones tropicales. Hawaï tient le record du taux d'extinction le plus fort. L'île a déjà perdu près de 80 espèces végétales. Alors cela concerne aussi l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, l'Inde, Madagascar, mais aussi la Méditerranée. Les causes, on les connaît. Elles sont liées à l'activité humaine, destruction des habitats naturels, agriculture intensive, stérilisation des sols, extension des villes, dérèglement climatique. Alors en revanche, pourquoi une espèce de plante serait plus susceptible qu'une autre de disparaître ? Ça, les chercheurs n'ont pas trouvé de schéma génétique ou évolutif pour l'expliquer. Cela rend les prévisions plus difficiles encore. Pierre-Henri Gouillon est biologiste au Muséum National d'Histoire Naturelle. Pour lui, cette étude annonce des extinctions en cascade. On constate qu'on est dans une dynamique d'effondrement de la diversité. Le nombre d'individus est en train de chuter dramatiquement. Et les seuls qui soient démographiquement en grande quantité, c'est les formes cultivées qui, elles, alors, sont cultivées dans une absence totale de diversité, c'est-à-dire que le milieu agricole actuel a tendance à homogénéiser tout. Donc tout ça, c'est un seul processus, si vous voulez, d'homogénéisation complète qu'on est en train de faire du fait d'une agriculture extrêmement homogénéisante et d'une artificialisation de plus en plus forte à l'échelle mondiale. Les écosystèmes sont des ensembles dans lesquels l'énergie vient du soleil qui permet aux plantes de produire de la biomasse. Et c'est cette biomasse qui est consommée ensuite par d'autres formes vivantes, et y compris par nous. Si jamais les plantes perdent leur diversité, elles vont être soumises à des dangers extrêmement grands d'attaques de divers problèmes. Et en plus, avec les changements climatiques, eh bien, elles vont être de moins en moins capables de résister aux problèmes posés par les nouveaux environnements qui vont être faits. La seule manière pour que des formes vivantes s'adaptent à un environnement changeant, que ce soit l'environnement climatique ou l'environnement des autres êtres vivants, les insectes qui les mangent, les pathogènes qui les abîment, etc., c'est que ces plantes aient de la diversité. Si vous n'avez plus de diversité chez les plantes, eh bien c'est toute la base de la nourriture de tous les êtres vivants qui est en danger, et évidemment, pour y a tous les êtres vivants, nous y compris. On est dans des systèmes dans lesquels tout dépend au départ de la production de biomasse par les plantes. En bref, une équipe canadienne a réussi à convertir du sang de rhésus A en sang de type universel. C'est une publication cette semaine dans la revue Nature Microbiology. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la journée mondiale du don du sang. Il faut rappeler que seul le type O est compatible avec tous les autres groupes sanguins de rhésus positif. Pourquoi ? Parce que ces antigènes sont neutres et qu'ils ne provoquent pas de réaction immunitaire. Alors cette équipe est partie du groupe sanguin A, le deuxième groupe le plus répandu au monde, et ils ont transformé ces antigènes A en antigènes neutres. Comment ? Grâce au microbiote. Ils ont travaillé à partir d'une enzyme d'une bactérie intestinale, une enzyme qui élimine les composants clés de l'antigène A. Ils ont isolé les gènes spécifiques et les ont ajoutés au sang de type A. Les résultats sont concluants, pas de réponse immunitaire. Pour le moment, ça n'existe que dans une boîte de pétri, mais les chercheurs ont bon espoir de faire doubler l'approvisionnement en sang de type universel. Deuxième sujet de ce journal des sciences, une étude publiée dans Geophysical Research Letters qui révèle sous la surface de la Lune, une immense masse métallique. Oui, sous la surface et sur la face cachée de la Lune, on n'est pas loin du pôle sud, dans le bassin Daikon, là où on voit le plus gros impact de météorites. La sonde américaine Grail mesure les variations de gravité de la Lune, et dans cette zone, elle a détecté une anomalie de masse, c'est-à-dire une concentration de matériaux beaucoup plus dense que sur le reste de la surface. Les données ont été combinées avec celles de la sonde LRO, et elles ont révélé une énorme masse métallique, 5 fois plus grande qu'Hawaï et profonde de 300 km. C'est une découverte importante, car plusieurs missions d'exploration sont prévues dans cette région pour 2020, et il reste encore à expliquer l'origine de ce phénomène. Alors, une des hypothèses, cela pourrait provenir d'une concentration d'oxyde lors de la solidification du magma lunaire, mais ça n'explique pas pourquoi cette masse ne se trouve que dans ce cratère. L'hypothèse la plus probable, ce serait les restes d'un impact avec un astéroïde au noyau métallique. Explication avec Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de la revue Ciel et Espace. Le corps qui a impacté la Lune il y a plus de 4 milliards d'années était un gros corps. Et donc ça veut dire que lui-même avait été assez massif pour que son intérieur soit chauffé par sa propre gravité et fonde. Ça veut dire que tous les matériaux lourds, dont tout ce qui est fer, nickel, etc., a coulé au centre et a formé un cœur qui est ferreux, en fait un cœur compact, un peu comme la Terre a ça, la Lune a ça, les planètes ont ça. Donc quand il vient impacter la Lune, le corps est complètement disloqué, mais ce fer, on se demande qu'est-ce qu'il devient. Est-ce qu'il reste un morceau compact ? Ça, on ne le croit pas. Est-ce qu'il est totalement vaporisé et dispersé? C'est ce qu'on pense. Et par contre, justement, ce que montrent les relevés de la sonde, c'est que visiblement, tout se fait, tout disloqué qu'il a été, s'est retrouvé en une fine couche, en quelque sorte, sur toute la surface du bassin d'impact qui a été créé par le choc. Et comme ça, ça permet aux physiciens qui travaillent sur les impacts de savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et dire que ce n'est pas le camp de la Lune noire des forces de Vega, la déception est totale. En bref, la première fois, une éruption d'étoiles a été observée pour la première fois, une éruption autre que le Soleil. C'est publié cette semaine dans Nature Astronomy, Natacha. Cette éruption extrasolaire a été mesurée par le télescope spatial à rayons X Chandra. Cela s'est passé à 450 années-lumière de la Terre, sur l'étoile HR 9024. Les chercheurs ont donc pu suivre une éjection de masse coronale. Ils ont analysé les mouvements et la vitesse d'une bouffée de plasma. Jusqu'à présent, notre compréhension des éruptions ne reposait que sur l'observation du Soleil. L'étude confirme donc les modèles théoriques. Les éjections de masse coronale sont produites dans des étoiles magnétiquement actives. Et selon une étude parue dans Bioarchive, les ancêtres de Néandertal et de Denisova se seraient croisés avec un hominine inconnu il y a 700 000 ans. On a découvert que les Néandertaliens et les Denisoviens avaient eu des enfants ensemble et cette étude suggère que leurs ancêtres communs se sont croisés avec une population inconnue. Les anthropologues de l'université de l'Utah cherchaient à vérifier comment les différents gènes se propageaient entre les groupes. Ils ont analysé l'ADN des Néandertaliens, des Denisoviens et deux génomes d'humains modernes. Selon les modèles, la seule façon d'expliquer la distribution actuelle des gènes est d'introduire un autre ancêtre humain hypothétique. On ne sait rien de cette population super archaïque, il n'y a pas de preuves dans les archives fossiles, mais son existence est mathématique. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, cette semaine, Natacha, un anniversaire que l'on va pouvoir aller fêter au Jardin des Plantes. Dimanche, Nénette, Laurent Houtan, star du Jardin des Plantes à Paris, aura 50 ans. Rappelons que son espèce est classée en danger critique d'extinction. Elle est l'une des représentantes les plus âgées. Alors pour l'occasion, une surprise partie est organisée avec à 14h un gâteau d'anniversaire, sans sucre, et surtout à 16h, un atelier peinture. Une activité apparemment que Nénette adore pratiquer. Voilà, l'étoile s'arrache chez Sotheby's à New York. Merci beaucoup, Natacha, pour ce journal des sciences. Joyeux anniversaire, Nénette, évidemment. Et puis, on salue Marie-Claude Bomsel, si elle nous écoute, qui est venue à plusieurs reprises à ce micro. Peut-être un tour de table sur ce que vous venez d'entendre. Il y a quelque chose qui vous a fait réagir en particulier, Caroline ? Il y a deux choses. Il y a évidemment l'histoire de la disparition des plantes dont vous avez parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, et c'est ce dont on parle dans le dossier de Science et Vie, c'est que ça peut être aussi quelque chose qui devient très visible, mais qui a clairement montré des signes d'effondrement bien avant. Et ce que disent pas mal d'écologues, c'est que les signes d'extinction correspondent à un signal du milieu du 20e, pardon, peut-être même du début. Et donc on est vraiment là, ça commence à tellement se voir qu'on peut plus passer à côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de peut-être essayer de remonter pour voir quels étaient ces premiers signaux, et pouvoir ensuite prédire ce qui pourrait arriver. Mathias ? Un petit mot sur le microbiote quand même, qui... est un véritable terrain d'exploration. On a l'impression qu'il va y avoir des trésors fabuleux. Là, cette bactérie, enfin en tout cas une enzyme produite par une bactérie du microbiote qui permet de transformer le rhésus A en rhésus O, c'est quand même assez fascinant. Même si pour l'instant ça reste expérimental, mais je trouve que c'est intriguant. Caroline. Sur ces histoires de transformation de groupes sanguins, il y a déjà eu des expériences précédemment en laboratoire avec toute une machinerie biologique complexe et du coup c'est l'une des limites. C'est-à-dire en fait la démonstration est faite, on peut y arriver. Le problème c'est que le sang c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé, il en faut des quantités, il faut pouvoir en conserver, en donner quand il y en a besoin. Et du coup le fait que ça puisse pas encore être industrialisé, c'est la limite de ce genre d'exercice. Il y a eu aussi des expériences sur du sang artificiel, c'est-à-dire totalement créé en laboratoire. Avec zéro antigène, donc voilà, réactif, qui serait une sorte de sang parfait qu'on peut donner à tout le monde. Et ben c'est pareil, on est un peu sur un problème d'industrialisation et de sécurité, qui sont des limites qui sont importantes quand même, parce que c'est des produits de santé. Mais c'est vrai, absolument fascinant. Laurent, un mot peut-être? Oui, alors il y a deux nouvelles qui retiennent mon attention. Bien évidemment, la perte de la biodiversité qui, avec les plantes, donc est apparemment plus importante que ce qu'on pensait, et qui est vraiment très préoccupant, parce que ça, effectivement, les écosystèmes vont être fragilisés. Je trouve que Aurélien Barraud, que je connais, qui a vraiment, il a raison d'attirer l'attention sur ce problème. C'est l'un des parrains de l'émission, Aurélien Barraud, par ailleurs. Ah, bah, vous avez des amis sympathiques. C'est une très bonne chose. Donc oui, je crois qu'Aurélien a encore plus raison d'attirer l'attention sur ce problème, parce que il y a vraiment de quoi être inquiet sur ce qui se passe actuellement et dans un futur plus ou moins proche. La deuxième chose qui a retenu mon intérêt, c'est la découverte donc de cette zone apparemment avec des métaux dioxyde métallique concentrés. Le camp de la Lune noire, donc. Voilà. Moi, ça me fait penser à la colonisation de la Lune. Il faut savoir que, par exemple, sur Terre, on a des minerais, des gisements de minerais, parce qu'il y a du volcanisme, il y a de l'eau qui concentre des minerais dissous et qui les dépose dans des veines. Il y a la tectonique des plaques. Sur la Lune, a priori, il n'y a pas vraiment de volcan. Enfin, c'est pas aussi actif. Ça a peut-être été actif dans un passé assez éloigné, mais actuellement, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de tectonique des plaques. Donc, si on imagine extraire du minerai sur la Lune pour faire des stations spatiales extraordinaires à la Elon Musk, autre chose, quelque chose comme ça. Ou le camp de la Lune noire. Ou le camp de la Lune noire, qui revient en boucle sur son, voilà, sur ou la base du Capitaine Flamme avec le... Par exemple. Bien, ça serait plus difficile. Il y a des métaux dans le sol lunaire. On peut en extraire, mais ils sont plutôt dispersés, diffus, c'est ça. Alors que s'il y a une zone, effectivement, où on peut trouver des métaux beaucoup plus concentrés, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Un autre mot, personne, tout le monde passe son tour. Merci beaucoup, Natacha. On vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain et dernier Journal des Sciences. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et si tout était foutu ? Si tous les scénarios, celui du GIEC, celui de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, si toutes les projections dans le futur étaient finalement trop basses, sous-estimées, si l'impensable était en fait inévitable, si notre société était condamnée à s'effondrer. C'est ce postulat joyeux et entraînant pour une veille de week-end qu'étudie une nouvelle branche scientifique. Alors il faut mettre beaucoup de guillemets, on va en parler dans un instant. Ce qu'on appelle une sorte de méta-science, de méta-analyse d'un certain nombre de données. On appelle ça la collapsologie, fondée sur le terme anglais collapse, to collapse, donc s'effondrer, s'écrouler, et qui, en étudiant donc notamment l'histoire et la chute des civilisations passées, essaye de prédire notre effondrement futur, Caroline. Oui, c'est un dossier qu'on a décidé de faire à Science et Vie parce qu'on entend beaucoup parler de mobilisation dans la société, de messages politiques, de messages militants qui notamment véhiculent ce mot collapsologie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que du coup la collapsologie est déjà une science en tant que telle. Vincent Noriega, qui a fait ce dossier, il a clairement compris que la collapsologie, non, c'est pas une science en tant que telle, c'est pas un domaine scientifique, c'est juste un concept qui a été mis en place par les auteurs du livre qui a été un best-seller, Comment tout peut s'effondrer. De Pablo Servigne. Voilà, alors ceci mis à part, ça a quand même l'intérêt de mettre le doigt sur tout ce qui est l'étude transdisciplinaire de l'effondrement. Et là, ça peut être des écologues, des climatologues, des mathématiciens, des gens qui travaillent sur l'effondrement. Mais en fait, il n'y a pas vraiment une science du grand effondrement sociétal, ou surtout de notre société occidentale et basée sur l'énergie. Donc là, on a vraiment voulu plonger dans ce qui peut être de la science, de la donnée, et des choses objectivables autour de la notion d'effondrement. Première difficulté, c'est quoi un effondrement ? Et alors là, quand vous commencez à faire le tour un peu des scientifiques, ils sont pas d'accord. Il n'y a pas de concept, il n'y a pas de définition universelle d'un effondrement. Ce qu'on pourrait dire, c'est que quand même, pour beaucoup de scientifiques dans différents domaines, l'effondrement, c'est pas une simple destruction, c'est plutôt une transition critique d'un état vers un autre. Alors ça pourrait être, par exemple, quand il y a une population d'herbivores, un nouveau prédateur, ben voilà, il va falloir se transformer. Mais aussi, pourquoi pas, le changement d'état de l'eau qui passe de solide à liquide. Donc voilà, c'est une façon de concevoir une transition. C'est des éléments qui sont importants pour comprendre à quel point, justement, la notion d'effondrement, c'est quelque chose de complexe, et c'est quelque chose qui est encore plus quand il s'agit de la prédire, c'est quelque chose qui nécessite de faire appel à des concepts à la fois mathématiques, mais aussi dans nos sociétés d'interconnexion, de faire de la transdisciplinarité. Donc c'est compliqué, mais il y a des choses. De la science dure et des sciences humaines, sociales, beaucoup de sociologie. Il y a dans la collapse effectivement un regard historique, sociologique vers le passé, en se disant finalement des sociétés qui s'effondrent, on en a connu, l'histoire en regorge. Oui. Alors l'histoire en regorge, mais en fait ce qui est intéressant, c'est de voir que là, actuellement, il y a beaucoup de données qui sont produites autour de ces effondrements et que parfois elles se contredisent violemment. Si on prend l'exemple des Mayas, qui est un exemple qui est extrêmement intéressant, on voit que par exemple, il y a eu des propositions qui ont été défendues par des études, qui étaient des études sérieuses, qui disaient que pour la disparition des Mayas, c'était un changement climatique qui avait été la clé de l'effondrement. Il y a une étude plus récente qui dit pas du tout, c'est la surexploitation des sols qui a été l'élément moteur de l'effondrement des Mayas, mais aussi d'autres scientifiques qui disent parler d'effondrement, sous-entendre disparition des Mayas, c'est pas vrai non plus, parce qu'il y a quand même eu une diffusion d'une culture, de langue également, et il y a encore des millions de personnes qui parlent des langues et qui sont les descendants de cette civilisation. Donc, il n'y a pas eu disparition. Et alors, du coup, pour essayer de le quantifier, ou en tout cas de le qualifier, cet effondrement, il y a plusieurs types d'effondrements. En fait, l'effondrement, effectivement, c'est un mot valise qui définit beaucoup de réalités différentes. Il peut y avoir des effondrements partiels, économiques, politiques, sociaux, culturels, tout ça, et éventuellement aujourd'hui même, d'ailleurs, écologique. Écologique, voilà. Bien sûr. Il y a deux façons, donc si on revient sur un peu les modèles, comment est-ce qu'on travaille, on modélise une société qui va évoluer, donc naître, croître, puis éventuellement s'effondrer, ou au contraire continuer à croître, enfin voilà, comment on fait ces évolutions-là. Il y a des modèles mathématiques, il y a des modèles qui sont basés sur des équations différentielles. Ça, c'est une sorte de modèle dynamique, c'est un modèle prédateur-proie. Le prédateur, si on parle de notre société, ce serait l'humain, la proie, ce serait les animaux, l'environnement, voilà. Il y a une façon de voir les choses comme ça, qui est une façon mathématique, mais une façon de mettre en mouvement, justement, l'évolution des sociétés. Et il y a d'autres façons de modéliser. Le modèle des nœuds, où c'est des interactions. C'est-à-dire qu'on va concevoir que les sociétés, elles sont faites d'interactions entre individus, entre milieux, et que c'est sur ces interactions qu'il faut se pencher pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est un élément qui est intéressant dans tout ce qu'on dit sur l'effondrement potentiel de notre société. Ce sur quoi mettent le doigt les gens qui travaillent sur des effondrements de sociétés anciennes ou de milieux, c'est qu'il y a plus une société est complexe et plus elle met en interaction des choses qui, a priori, n'ont pas de rapport entre eux. Par exemple, les communications et l'énergie, dans notre cas, plus le risque d'un effondrement ou d'une destruction partielle est important. Voilà. Donc, est-ce que notre société est particulièrement vulnérable? Pour certains points, c'est clair. Mais est-ce que pour autant tout est écrit et inéluctable? Et ben là, en fait, c'est assez marrant de voir justement un positionnement militant autour de la collapsologie qui a tendance à dire que les choses, les carottes sont cuites. En fait, quand on discute avec des scientifiques qui travaillent sur, donc encore une fois, sur différents types d'effondrements, ils ont plutôt tendance à dire que donc rien n'est inéluctable, qu'on est plutôt un moment critique, en effet, d'un point de vue écologique, mais aussi un moment critique d'un point de vue des connaissances et de ce qu'on pourrait faire en connaissance de cause pour que les choses basculent du bon côté. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, sur une notion de point sensible. C'est un groupe de chercheurs britanniques qui a proposé, là, tout récemment, au mois d'avril, d'avoir des interventions sur des points sensibles, c'est-à-dire un peu l'effet papillon, mais dans le bon sens. Et ça, clairement, quand on se retourne et qu'on a étudié des systèmes qui se sont effondrés, on peut essayer de comprendre ce qu'il aurait fallu faire, à quel moment il aurait fallu le faire et à quelle dose il aurait fallu le faire. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, du coup, ça produit aussi, vous parliez tout à l'heure de la mise en équation d'un certain nombre de modèles mathématiques, des modélisations à base d'agents, et il y a dans le dossier de Science et Vie, notamment une sorte de schéma qui compile un certain nombre de données socio-démographiques et qui montre que effondrement ne dit pas disparition d'une part, et que ces effondrements ils peuvent être quantifiés justement sous forme de graphique. C'est un collectif international d'historiens qui a étudié l'évolution de la complexité sociale de différentes régions du monde sur les 7000 dernières années. Alors, la complexité sociale, c'est comment ça peut être définition ? Ils ont pris 51 variables démographiques, politiques, techniques, écologiques, culturelles. Plus c'est complexe, plus ça se situe haut dans leur graphique et plus la complexité diminue, plus on voit la ligne d'évolution de la société qui baisse. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en effet, il y a des événements qui se passent, par exemple la défaite perse face à Nabucodonosor. On voit qu'on va avoir vraiment une diminution de la complexité socio-écologique en Perse, mais on va avoir aussi une remontée. On a vraiment cette impression d'aller-retour, de transition d'un état à un autre et pas d'effondrement définitif. Oui, quand on voit par exemple la fin de l'Empire égyptien, on se rend compte que la civilisation égyptienne continue d'exister. Aujourd'hui, l'Égypte est un pays, une nation, un peuple, et qu'effectivement ces effondrements ne conduisent pas à la disparition des populations, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est quand on parle de collapsologie, on se dit c'est la fin de l'humanité, on va tous l'apocalypse, on va tous être nettoyés, puis la Terre survivra. Peut-être que l'humain va survivre aussi un peu. Il y a deux choses, c'est est-ce que l'humain disparaît ou pas ? Bon, voilà, c'est la question. Et puis si c'est pas le cas, s'il disparaît pas, est-ce que il va se transformer ? Alors en fait, c'est plutôt ça qui va se passer. Et l'exemple classique de l'effondrement de l'Empire romain, en fait, les historiens montrent très clairement que si sa partie occidentale, eh ben oui, elle s'effondre, sa partie orientale, elle va donner naissance à l'Empire byzantin qui va croître et prospérer pendant très longtemps. Donc c'est pas un effondrement dans le sens où il n'y aurait plus rien. C'est encore une fois une transformation. Alors il y a plusieurs notions qui sont intéressantes justement dans une tentative de rationalisation et de scientifisation en fait hein, de cette notion d'effondrement qui effectivement peut être très critiquée. Un message militant et politique, voilà, et c'est important. C'est vrai que c'est important, message militant et politique. On en avait parlé ici et c'est vrai que dans la communauté scientifique, cette collapsologie elle est très critiquée pour justement être un peu ascientifique ou être un peu plus finalement militante que véritablement scientifique. Néanmoins, on peut encore une fois la quantifier. Cette notion de seuil critique elle est intéressante quand on l'applique finalement à des cas historiques, notamment le cas d'Angkor. Ah oui, le cas d'Angkor, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est un niveau de complexité qui a été, c'était trop complexe pour durer. Tout ce réseau est devenu tellement complexe à gérer qu'au bout d'un moment, les moyens qui sont nécessaires, humains, énergétiques, ça n'est plus possible. Il faut rappeler qu'Angkor, au XIIIe siècle, la ville la plus étendue du monde, elle couvre jusqu'à 1000 km², 10 fois la taille de Paris, on pense qu'elle a accueilli jusqu'à 1 million d'habitants. Ouais, et puis au fur et à mesure, on va voir qu'elle se vide. Un autre exemple que j'aime bien, c'est l'île de Pâques, où on a l'impression de savoir confusément que c'est une civilisation qui a disparu très vite, que c'est quelque chose où ils sont allés au bout, ils ont épuisé leurs ressources et puis ils ont disparu très vite. En fait, il y a une étude récente qui montre que ça aurait peut-être pris beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine, plus de 300 ans, et que si ça a duré aussi longtemps, cet atterrissage lent vers quand même la disparition, c'est grâce à des interactions, des coopérations locales qui ont permis des innovations et qui ont permis une adaptation. Et je crois que c'est un des messages qui est extrêmement intéressant vis-à-vis des auditeurs ou des lecteurs, c'est que la science montre qu'il y a une résilience. C'est possible. Encore une fois, il y a ces chercheurs qui veulent étudier des points d'intervention sensibles, mais il y a aussi une façon peut-être de limiter les dégâts. Les dégâts sont là, limitons-les. Et il y a aussi des grands exemples à suivre. Typiquement, il y a des recettes de sociétés, de systèmes socio-écologiques qui ont pas mal perduré. Et on a, ce qui intéresse les chercheurs, il va y avoir le système agro-pastoral au Burkina Faso. Ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est une zone qui a connu des grandes sécheresses, la colonisation. Il y avait des tas de raisons pour que ça disparaisse. Ça n'a pas disparu. Il y a donc un système qui a une résilience très forte. Il y a aussi tout ce qui est le système d'irrigation ancestral à Bali. Ça traverse les siècles, ça reste, ça fonctionne. Il y a toujours des gens qui transmettent ce savoir et l'utilisent. Donc on sait qu'il existe des choses qui peuvent perdurer très longtemps. On peut s'en inspirer. Le message scientifique, c'est de dire que plus on a des données et plus on a des choses qui sont objectivées, qui ne sont ni militantes ni manipulées par la politique dans un sens ou dans un autre, plus on peut prendre des décisions éclairées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que ces phénomènes-là sont donc des phénomènes cycliques. On parle même de cycle de Holling en écologie. Oui, c'est un cycle où on va avoir une progression, puis une stagnation, et où en fait on s'aperçoit que c'est comme ça pour tous les systèmes écologiques. Et quand on parle de ces sociétés, c'est vrai qu'on parle de sociétés qui sont des sociétés isolées, circonscrites dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, notre société à nous, c'est une société planétaire, une société globale. Est-ce qu'on peut appliquer justement ces grilles de lecture, ces méthodes scientifiques à une société qui est une société beaucoup plus vaste, qui serait la société humaine avec un grand H? Toute la question, c'est-à-dire que à la fois ça va avoir le défaut de l'interconnexion avec ce qu'on disait des gros points de fragilité, on disait communication, énergie, voilà, mais ça peut aussi faciliter la diffusion de transformations sociétales. Il y a des études qui sont extrêmement intéressantes qui montrent que pour avoir une nouvelle norme sociale, pour qu'elle soit partagée par toute une population, il faut qu'on arrive à un seuil de 25%. Si déjà 25% de la population est convertie, alors on va avoir une nouvelle norme sociale, par exemple de comportement par rapport à l'énergie ou comportement par rapport à l'environnement. Donc en fait, l'interconnexion, là, elle pourrait peut-être nous profiter. On est à un moment où il peut y avoir un élan, à la fois une prise de conscience et un élan grâce à des données et qui pourrait nous faire basculer du bon côté. Il y a toujours évidemment un fond politique à tout cela et notamment sur le fait que vous expliquez dans ce dossier qu'il y a des modèles sociaux qui sont des modèles plus solides, c'est-à-dire en tout cas plus résilients, qui permettent aux sociétés de mieux perdurer dans le temps et dans l'espace, et des modèles inégalitaires qui, eux, sont évidemment plus destructeurs. C'est notamment une étude de 2014 qui a été menée par des chercheurs américains, pour l'anecdote, avec l'appui d'un laboratoire de la NASA. Ils ont mis au point un modèle mathématique qu'ils ont baptisé HND pour Human and Nature Dynamics. Ça reproduit une société inégalitaire dans laquelle les citoyens exploitent intensément les ressources, ressources, produisent de la richesse à destination d'élites qui ensuite la redistribuent, mais chichement. Et en fait, on s'aperçoit avec ce modèle-là que plus on fait varier le spectre de l'inégalité vers plus d'intensité, plus la société est fragile et plus elle va avoir tendance à se détruire. Et ce qui conduit d'ailleurs l'un des chercheurs qui a proposé ce modèle à estimer que il y a une sorte de cycle d'instabilité politique. Oui. Alors lui propose, il a publié une analyse qui dit que il y a des cycles d'instabilité politique, vous l'avez dit, de surproduction d'élites, de compétition acharnée, et que ça donne naissance à des bouffées de violence qui se reproduisent tous les 50 ans. Lui, il est sur le cas des États-Unis, c'est un Américain, et il dit que lui, cette prochaine bouffée de violence est prévu pour la décennie 2020. Voilà. Voilà. C'est de l'hypothèse. Et d'ailleurs, il faut aussi comprendre que ce sont des sciences de modélisation. La modélisation, par exemple, en médecine, ce sont des modélisations. Donc, c'est complexe à partir de ces modélisations de sortir une vérité. Ce sont des hypothèses et elles sont plus ou moins étayées grâce à la méthode scientifique. Une réaction à ces modélisations et à cette société ou ces théories de l'effondrement, Mathias ? Ben c'est à la fois inquiétant et en même temps c'est vrai qu'il y a un message assez positif, je trouve, en écoutant Caroline. Donc oui, moi je trouve ça intéressant. Les questions que je me pose souvent, c'est, tu évoquais tout à l'heure l'effondrement de l'Empire romain. C'est vrai que on voit qu'une société est mise à mal, mais en même temps ces structures ont été reprises finalement par, pour dire, les barbares au 5e siècle, en tout cas un certain nombre de choses. Donc il y a une assimilation en fait de ce qui a été fait au départ par un empire, et puis donc il y a un cycle, je crois, de destruction, mais en même temps d'assimilation, de récupération d'un certain nombre de choses. Les fameux cycles de Holling qu'on évoquait tout à l'heure. Laurent, une réaction à ce... Oui, ça me fait penser, initialement, à une célèbre boutade qu'on attribue à Niels Bohr, le physicien, mais je ne suis pas sûr que ce soit lui. Il aurait dit, les prévisions, c'est difficile à faire, surtout en ce qui concerne le futur. Et je crois qu'effectivement, il y a des incertitudes pour ce qui va se passer. J'ai plutôt tendance à être pessimiste, mais je crois que rien n'est vraiment écrit, parce qu'effectivement, il y a tellement de facteurs complexes qui peuvent accélérer un effondrement et d'autres qui, au contraire, peuvent le stopper, que c'est difficile de savoir. Mais moi, il y a quelques années, j'ai découvert les vidéos les thèses de Jean-Marc Jancovici, et je dirais que j'ai pris une claque, parce que ça m'a montré à quel point tout était très difficile. Mais lui-même, dans ses vidéos, ne dit pas qu'on ne peut rien faire, qu'il y a les moyens de lutter contre, de prendre des mesures, voilà. Mais bon, je conseille à tout le monde d'ailleurs d'aller sur YouTube, de regarder ces vidéos parce qu'elles sont exceptionnelles. Il se passe en fait un truc qui n'était pas prévisible, je crois. C'est que je pense que les scientifiques ont eu l'impression de prêcher dans le désert depuis très longtemps pour ce qui était de l'extinction des mouches ou des moustiques dont tout le monde tout le monde s'en fichait. En fait, il se passe un truc qui n'était pas prévu, je pense. Ben, les gens prennent conscience de ça. On est face en fait à un moment charnière où il peut y avoir cet élan parce qu'il y a eu une prise de conscience qui, à mon avis, n'était pas prédite. C'est ce qui est rassurant à la lecture, effectivement, parce que c'est vrai que, et puis nous ici aussi, on se pose souvent la question de savoir, quand on parle d'environnement, d'écologie, de cette crise, du réchauffement climatique ou de la biodiversité, comment faire, pour quel discours adopter, puisque le discours alarmiste ne fonctionne pas, que le discours positif ne fonctionne pas non plus, on ne sait pas très bien. Et là, dans ce dossier, il y a tout de même quelque chose qui est un peu rassurant, c'est ce seuil. Oui. Ce seuil vertueux, de cycle vertueux, qui laisse entendre que malgré tout et malgré tous les voyants rouges, il peut y avoir des déclenchements à partir du moment où une partie de la population adopte justement des nouveaux comportements. Exactement, où elle se convertit à de nouveaux comportements, mais vous l'avez quand même dit, les voyants sont au rouge. Ça, c'est quand même quelque chose que les gens qui étudient l'effondrement dans leurs différentes formes reconnaissent parfaitement. Les voyants sont au rouge. Simplement, c'est pas inéluctable. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Of our elaborate plans, the end. The End des Doors, forcément, quand on évoque la fin de la société, la collapsologie, comment ne pas céder à la tentation. Vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture, c'est notre vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Notre deuxième dossier aujourd'hui concerne donc l'épigénétique. Pourquoi les vrais jumeaux ne sont-ils ou ne sont-elles pas exactement similaires? Pourquoi le sont-ils encore moins s'ils ont été élevés dans des conditions radicalement différentes? Et bien justement à cause de l'épigénétique, ou comment des facteurs locaux peuvent influer sur le phénotype, sur l'expression du génome. C'est aussi l'épigénétique qui explique que nos cellules qui ont toutes le même patrimoine sont différenciées en cellules musculaires, osseuses, en globules ou en gamètes. Et c'est l'un des dossiers de la recherche de ce mois-ci, Mathias. Oui, exactement. Et pour entrer directement dans le dossier, on va prendre un petit exemple. Je vais vous parler d'un poisson. On va plonger, plonger dans l'eau. Un petit poisson qui s'appelle Astyanax. Alors Astyanax, c'est un petit poisson pas très long, de quelques centimètres. Il est plutôt bleu argenté. Il est en surface des rivières. C'est un poisson d'eau douce. On le trouve en Amérique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, notamment aussi au Mexique. Et il s'est produit il y a plusieurs milliers d'années du fait de l'érosion. En fait, donc il y a des rivières souterraines qui se sont formées dans une région du Mexique. Et Astyanax, une partie de la population de ce poisson s'est installée au fond de ces rivières souterraines, en fait dans des cavernes. Donc il est devenu un poisson cavernicole. Et il a dû s'habituer à un environnement particulier, c'est qu'il fait totalement noir au fond de ces grottes. Et en fait, on constate aujourd'hui que ce poisson, celui en tout cas qui s'est installé dans l'obscurité, il a perdu ses yeux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend Astyanax, on va dire Astyanax des surfaces, et son frère Astyanax des cavernes, eh bien, Astyanax des profondeurs, il a perdu la pigmentation de ses écailles, il est tout rose, il n'a plus d'yeux. Et puis il a changé de mode alimentaire, il a changé un certain nombre de choses. Alors ça on peut l'expliquer par des mécaniques classiques de dérive génétique. Exactement. Une population qui est isolée et qui va d'un seul coup avoir des traits qui sont sélectionnés par l'évolution pour s'adapter au nouveau milieu. Exactement, c'est ça. Donc évidemment ça a suscité la curiosité d'un certain nombre de scientifiques, notamment il y a une équipe française, celle de Sylvie Reto à l'Institut Neurosciences de Paris-Saclay qui a beaucoup travaillé sur ce poisson, qui a analysé effectivement notamment les modifications génétiques. Mais là, je vais vous parler d'une autre étude faite par des Américains qui montre qu'il n'y a pas qu'un phénomène génétique qui s'est produit, il y a aussi un phénomène épigénétique et notamment qui explique en partie la perte de l'œil. Pour ça, en fait, ils se sont intéressés. Alors évidemment, ils ont analysé le génome d'Astyanax. Ils ont regardé notamment les gènes qui s'occupent de la formation de l'œil, notamment de la rétine, du cristallin. Et ils ont détecté des marques épigénétiques. Alors, des marques épigénétiques particulières, ça s'appelle des groupements méthyle, en fait. Ce sont des molécules, un carbone, trois hydrogènes, qui viennent se poser le long des séquences ADN. Et le fait que ces molécules se posent sur un certain nombre de séquences ADN, ça va exprimer ou au contraire inhiber les gènes. Alors, peut-être qu'on peut rappeler un peu justement ces principes, on en a parlé ici, mais faire une petite piqûre de rappel. Comment ça marche en fait? Parce que l'ADN, on imagine que l'ADN, bon, c'est là, pof, on arrive, on colle un ARN dessus, boum, ça fait une protéine. En fait, c'est plus compliqué que ça. Tout l'ADN, c'est très long et tout l'ADN, il faut le compacter à un moment donné. Et c'est exactement ce qui se passe dans les mécaniques d'épigénétique. Alors, ça, effectivement, l'ADN, il faut le compacter, donc il y a une structure tridimensionnelle. Le fait qu'il soit plus ou moins compacté, ça l'expose au fait que les gènes soient exprimés, soient transcrits en ARN, puis ensuite. Soit accessible en fait dans la mécanique, tout simplement. Et il y a aussi un autre phénomène, ce sont donc la des marques épigénétiques, des molécules qui viennent se poser soit sur les protéines autour desquelles l'ADN s'enroule comme une bobine. On appelle ça des histones. Donc là, il y a un certain nombre de molécules, notamment le groupement méthyle, mais aussi autre chose, des groupements acétyles. Et puis, il y a donc ces groupements méthyle qui peuvent aussi se poser directement sur l'ADN, notamment sur une base nucléique qui s'appelle la cytosine. C'est la lettre C. Vous savez, donc l'ADN, c'est AGTC. Et donc, en général, il y a des groupements méthyle qui viennent se poser à ce niveau-là. Et effectivement, le fait que ces groupements méthyle soient fixés sur ces séquences, si c'est une séquence qui promeut un gène, par exemple, eh ben, ça va plutôt inhiber, en fait, l'expression de ce gène. Et c'est ce qui se passe, en fait, chez Astyanax. Et pour le démontrer, en fait, l'équipe américaine a utilisé une molécule chimique qui, finalement, intervient sur l'enzyme qui vient poser le groupement méthyle sur l'ADN. Et il montre, en fait, qu'en jouant là-dessus, eh bien, sur un embryon d'Astyanax des cavernes, donc celui qui n'a plus ses yeux, notamment plus de rétine, eh bien, la rétine, en partie, se reforme. Ce qui signifie qu'effectivement, Astyanax des cavernes a, dans son patrimoine génétique, n'a pas éliminé totalement, on va dire, les informations pour produire un œil. C'est simplement des mécanismes donc épigénétiques qui viennent interagir avec l'ADN, qui permettent finalement une adaptation, qui ont facilité l'adaptation de ce poisson au noir complet, à l'obscurité totale. Voilà. Ce qui est intéressant, parce que en fait, du coup, ça permet de réécrire un peu l'histoire de cette bascule de dérive génétique dont on imaginait en fait qu'il avait été isolé par un phénomène sismique ou je ne sais plus quoi. C'est ça. Oui, c'est l'érosion en partie, il me semble, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais en fait, ça a attiré la curiosité des scientifiques parce qu'en fait, le phénomène s'est produit vraiment très très rapidement, voilà. Enfin sur plusieurs milliers d'années. Mais nous, on voit les changements, c'est plutôt sur des millions d'années, l'évolution. Donc là, il subodorait qu'il y avait un autre mécanisme que purement génétique. Donc là, il y a vraiment une combinaison. Ce qui est intéressant avec Astyanax, justement, c'est de dire que un phénomène d'adaptation peut se faire avec une combinaison de génétique et d'épigénétique. Et ce qui est aussi intéressant dans cet exemple, c'est que aujourd'hui, il y a un engouement très fort pour l'épigénétique. On le voit même dans le grand public. On a l'impression, ça y est, c'est l'hérédité au-delà des gènes. On peut prendre son destin en main. Peu importe son patrimoine génétique, finalement, si on respecte un certain nombre de règles, on pourrait réussir à éviter des maladies ou un certain nombre de phénomènes. C'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que l'épigénétique ne nous dédouane pas complètement de la génétique de notre ADN. C'est une interaction entre les deux pour que les groupements méthyle dont on a parlé viennent se fixer à l'ADN. Il faut une enzyme. Cette enzyme, elle est codée dans le patrimoine génétique, dans le génome. Donc, s'il y a une mutation à ce niveau-là, ça intervient, ça change l'épigénétique, etc. Donc, c'est vraiment une question de boucle, de rétroaction, d'interaction entre l'ADN et puis tout l'environnement de l'ADN, toutes les molécules, il y a aussi les groupements acétyles, enfin qui sont l'inverse des groupements méthyle, hein, c'est pour déméthyler, voilà. Tout à fait. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, hein, au début, tout était génétique, puis tout est devenu épigénétique. Maintenant, on se rend compte que c'est évidemment une interaction plus fine entre les deux. On a une grande spécialiste de l'épigénétique, Edith Hurd, qui est partie s'installer en Allemagne, mais qu'on avait reçue ici à ce micro. On va vous mettre d'ailleurs le lien vers l'émission. Oui, sur elle s'est beaucoup intéressée à un phénomène aujourd'hui relativement connu. Mais c'est l'inactivation du chromosome X. Donc, auquel nous avions consacré une émission entière, dont on va vous remettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Donc en fait, c'est tout simple. Pour chez les femmes, elles ont deux chromosomes X. C'est un chromosome très important, il y a plusieurs milliers de gènes. C'est assez amusant d'ailleurs pour établir une sorte d'équilibre entre les hommes et les femmes, puisque nous avons un petit chromosome Y, mais il n'y a pas beaucoup de gènes dessus. Il faut voir ce que fait Caroline Tourbe quand on parle du chromosome Y. Donc en fait, chez les femmes, il y a un des deux chromosomes X qui est inactivé pour éviter d'avoir une surproduction des protéines liées aux gènes qui sont sur ce chromosome. Et elle a mis en évidence que cette inactivation est possible grâce à des petits ARN qui viennent décorer, isoler une partie du chromosome X, du deuxième chromosome X dans la cellule. Et du coup, celui-ci est totalement éteint, il ne s'exprime pas. Et en plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça se transmet à chaque fois que la division la cellule se divise, il y a une inactivation qui est produite. Donc c'est aussi là la définition de l'épigénétique, c'est à la fois quelque chose qui intervient sur l'expression génétique, mais qui est en même temps transmissible au niveau cellulaire aux différentes générations de cellules ensuite. Et c'est passionnant, je me retourne à vous Caroline, parce que c'est vrai que sur l'épigénétique, il y a aussi la question de la transmission de l'hérédité de l'épigénétique. Ça se transmet un peu, mais il y a quand même une limite générationnelle. On disait que ça ne se transmettait pas, mais on se rend compte que tout de même, il y a des caractères épigénétiques qui peuvent être hérités d'une génération à l'autre. Alors, a priori, il n'y a pas de preuve tangible d'une transmission au-delà de deux générations, c'est-à-dire la grand-mère jusqu'aux petits-enfants. Il n'y en a pas de preuve que ça aille plus loin. Et il y a une étude qui est très connue, hein, que Mathias connaît, j'en suis certaine, c'est sur la grande épidémie aux Pays-Bas après la guerre, où il y a eu vraiment, à ce moment-là, des femmes qui étaient enceintes qui ont transmis des traces épigénétiques qui ont un lien avec le métabolisme. Et en fait, on s'aperçoit que ça a continué la génération suivante, donc les petits-enfants. Et par contre, une grande explication de nos vies, de nos destins, voire de nos destinées familiales par l'épigénétique, c'est un truc dont on sent que c'est à la mode, mais clairement, là, il manque des données pour pouvoir préciser les choses. C'est oui, séduisant, mais on n'en sait rien. C'est ça, on n'a pas encore découvert toutes les pièces du puzzle là-dessus. Par contre, il y a une différence entre les animaux et les plantes. Chez les plantes, il y a des démonstrations de transmission vraiment à plusieurs générations de caractères de plantes. Et notamment la plante modèle Arabidopsis, qui est la plante modèle que tous les biologistes sur lesquels tous les biologistes travaillent en laboratoire, qui montre ça, c'est-à-dire par exemple une adaptation à la sécheresse. Ça fait intervenir des mécanismes épigénétiques et ces mécanismes sont transmissibles sur plusieurs générations. Donc on peut se poser la question chez l'homme, mais pour l'instant on n'a pas démontré véritablement les mécanismes moléculaires qui sont capables de ça. Et ce que l'histoire ne dit pas, c'est pourquoi ce petit poisson a été nommé comme le prince de la ville, ni ce que sont devenus Hector ou Andromaque. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour finir, ce tour de table, qu'y a-t-il de plus petit qu'un atome ? Vous allez me dire un noyau d'atome. Oui, alors qu'y a-t-il de plus petit qu'un noyau d'atome ? Eh bien, un composant de noyau d'atome. Et normalement, on s'arrête à peu près là, en l'occurrence, au quark. Mais la question qui, moi, personnellement, m'a longtemps agité, à laquelle, Laurent Sacco, vous allez nous apporter des éléments de réponse, c'est comment sait-on ce qu'il y a à l'intérieur d'un noyau d'atome ? Eh bien, on le sait notamment grâce à un homme, Uri Gell-Mann, qui est prix Nobel de physique en 1969 et qui est récemment disparu. Oui, il est mort le 24 mai de cette année. Il était né en 1929. Alors, Murray Gell-Mann, c'est un des grands noms de la physique des particules élémentaires. Et je crois que c'est vrai, il a dominé la physique des particules élémentaires des années 50 aux années 70. Je vais parler un petit peu de lui parce que je pense que c'est quand même tout lui rendre hommage. Évidemment. Alors, ses parents viennent de l'Autriche-Hongrie, c'était des émigrants juifs. Il est né aux États-Unis. Et c'est un enfant prodige, hein. Il est rentré à l'université de Yale à 15 ans. Et quand il était plus jeune, en fait, il était surtout intéressé par l'archéologie, la biologie, l'évolution, les mathématiques, parce que son père le nourrissait intellectuellement, son frère aussi. Mais la physique, vraiment, ça l'enchantait pas du tout. Il avait été assez déçu par les cours qu'il avait eus à cette époque-là. Il avait l'impression que c'était toute une série de recettes ou d'éléments pas intéressants. À quoi ça sert d'étudier les plans inclinés, les ressorts, enfin bon, bref. Et au moment d'entrer à l'université, il voulait d'ailleurs faire de l'archéologie. J'imagine qu'il était passionné aussi par les civilisations anciennes. Et son père lui dit, non, mais si tu fais ça, tu vas mourir de faim. Alors il dit, il vaudrait mieux que tu sois ingénieur. Et le petit Gell-Mann répond, ah non, mais je préfère encore mourir de faim que devenir ingénieur. Donc son père lui dit, pourquoi pas la physique. Et donc il lui réplique, ah oui, mais j'ai jamais été très bon en physique, alors qu'il était très brillant ailleurs, et ça m'intéresse pas. Et son père lui dit, mais t'inquiète pas, quand tu vas rentrer à l'université, tu vas faire de la théorie de la relativité, tu vas faire de la mécanique quantique, et tu vas trouver ça passionnant. C'est ce qui est arrivé. Donc il va se lancer là-dedans, il va décrocher un doctorat au MIT à 21 ans. Et il va donc, il faut voir qu'à ce moment-là, donc dans les années 50, les physiciens ils ont déjà plutôt bien compris ce qui se passe au niveau des noyaux, la cycle nucléaire, les réactions nucléaires. Ils veulent vraiment comprendre qu'est-ce que c'est qu'un proton, qu'un neutron, qu'est-ce qui fait que les protons, alors qu'ils sont de charge positive, se repoussent, ils devraient pas être mis ensemble dans un noyau, et quelle est la force qui les colle. Donc ils descendent de plus en plus dans l'infiniment petit, ils étudient un peu ils découvrent des nouvelles particules dans les rayons cosmiques, et les grands accélérateurs de particules, donc les ancêtres de l'ULHC, commencent à entrer en fonction, et donc ils commencent à produire des particules. Et alors c'est très la situation très différente de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'au cours des années 50, on a un déluge de nouvelles particules et on comprend rien. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on a réussi à les classer, mais effectivement, voilà, au début, aujourd'hui, on a des tas de théories, mais on n'a pas. On voit des choses, mais on comprend pas ce que c'est. On a beaucoup de théories, mais on n'a pas vraiment beaucoup d'éléments d'une nouvelle physique. Et donc, c'est Murray Gell-Mann arrive à ce moment-là, vers 1960-61, il trouve un moyen de classifier ces particules, un peu comme Mendeleïev l'avait fait au 19e siècle, où Mendeleïev a remarqué que si on donc mettait dans un tableau les éléments connus à l'époque, on savait pas que ces éléments étaient faits d'atomes, enfin certains en pensaient, mais bon, c'était comme très controversé à l'époque. Si on rassemble les éléments en fonction de leurs propriétés chimiques, on voit qu'il y a des familles, il y a des périodicités. Alors maintenant, on sait que c'est dû au fait parce que les atomes sont composites, il y a des couches d'électrons, la façon dont les électrons se comportent, et ça rend compte des périodicités chimiques et des propriétés, des lois qui permettent d'expliquer des réactions chimiques. Mmh. Et à l'époque, c'est ça, on a plein de nouvelles particules, on découvre qu'il y a des lois. Il y a des symétries en fait. Des symétries, voilà. Il y a des quantités conservées qui sont en fait décrites par ces symétries mathématiques. Et Murray Gell-Mann se rend compte avec un physicien israélien de l'époque qui s'appelle Yuval Nariman. En fait, un physicien au départ, c'est un militaire, mais il s'est aussi beaucoup intéressé. Lui aussi un enfant prodige, il s'est aussi beaucoup intéressé à la physique des particules. Et vers 1961, donc, il propose ce que Gell-Mann appelle malicieusement la voie octuple. Mmh. C'est une référence au bouddhisme. Alors, c'est juste un clin d'œil. Hein. Gell-Mann n'était pas du tout bouddhiste ni intéressé par la religion. Et il y a donc une théorie mathématique qu'on appelle la théorie des groupes de symétrie, qui est très puissante en mécanique quantique et qui donc met un ordre. Et tout comme Mendeleïev avait dans son tableau, il s'était dit bon, il y a des endroits dans mon tableau, il devrait exister des éléments avec des propriétés chimiques particulières. Et ce qu'on a découvert par la suite, Murray Gell-Mann se rend compte qu'il y a des particules qui devraient exister avec des masses particulières. Il prédit donc ces particules et on découvre une particule qu'on appelle l'oméga moins. Qui est un baryon. Qui est un baryon, voilà, c'est ça. Donc, qui est sensible aux forces qui permettent forces très fortes, donc plus fortes que les forces de répulsion électrostatique. L'interaction forte qui devrait faire exploser les noyaux avec les protons qui devraient se pousser. Mmh. On peut rappeler rapidement à l'interaction forte, c'est effectivement l'interaction qui maintient les particules élémentaires au sein du noyau. Les autres interactions, c'est l'interaction faible. C'est ça qui est responsable de la radioactivité et qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus faible. Et donc. Et la quatrième. Et l'électromagnétisme. Que tout le monde connaît. De Maxwell. Voilà. Et donc, on en était à cette voie octuple de Murray Gell-Mann. Le modèle remporte beaucoup de succès. Mais à l'époque, personne ne pense que derrière ces symétries, ces régularités, il y a des particules plus élémentaires qui composent les particules qu'on connaît à l'époque. Et vers 1964, donc, Gell-Mann et un de ses étudiants, qui s'appelle George Zweig, ils creusent le modèle de la voie octuple. Ils se disent, mais en fait, derrière tout ça, il doit y avoir trois particules nouvelles, plus petites donc que les protons et les neutrons, mais avec des charges fractionnaires. Alors alors Gell-Mann à l'époque vous l'appelez ça. Alors j'ai pas trop compris pourquoi des quarks. Alors avec QWORK. Et puis à un moment donné, il lit l'ouvrage de James Joyce, Finnegan Wakes, et ça parle de quarks. Et ils disent, moi, ça me va. Three quarks donc, for Mastermark. Exactement, c'est ça. Donc, il va baptiser ça des quarks. Il y a le quark U, le quark D, le up quark down. Up down, c'est ça. Donc, le quark D, en fait, toutes ces particules, il y a le quark S aussi. Strange. Alors, pourquoi strange? Parce qu'en fait, il y avait des réactions entre les particules qu'on avait à mal comprendre à l'époque. Et Gell-Mann était un de ceux qui s'est dit, mais si j'introduis une nouvelle loi avec une quantité qui est conservée, un peu comme la charge électrique, qui va appeler ça l'étrangeté, je peux rendre compte de ces réactions. Et donc, elles sont toutes ces particules, le quark up, down et strange, sont portent des charges fractionnaires. C'est-à-dire, puisque il faut charge électrique, on va dire que c'est un. Un proton, c'est positif. Comme il y a trois quarks, il faut forcément des charges fractionnaires pour expliquer la positivité du proton. Donc il faut que le quark D porte une charge de tiers, il faut que le quark U porte une charge moins un tiers, et que le quark étrange porte une charge moins un tiers. Donc plus un tiers. Je suis en train de confondre, je crois. Up, c'est... Up, c'est plus un tiers. C'est plus deux tiers. Plus deux tiers. Et down, puisque c'est en bas, donc c'est moins un tiers. C'est ça, voilà. et Strange c'est moins un tiers. Et donc il se rend compte qu'en fait tous les baryons, donc les particules qui sont sensibles aux forces fortes qu'on connaît à l'époque, qu'on voit dans l'accélérateur, dans les baryons, c'est les protons, les neutrons, etc. Il y a les mésons aussi. qui sont des particules de charge plus faibles que les protons et les neutrons. Il se rend compte qu'on peut retrouver donc ces propriétés de ces particules, mais lui et d'autres ont un peu de mal à penser que ce sont vraiment qu'il y a vraiment des particules élémentaires. Ils considèrent ça au début un peu comme que les quarks sont vraiment des particules réelles, un peu plutôt comme des astuces mathématiques pour rendre compte de ces nouvelles particules, parce qu'il y a plusieurs problèmes dont tout le monde va se rendre compte assez rapidement. C'est que si ces particules existent, pourquoi est-ce qu'on les voit jamais isolées dans les rayons cosmiques? Pourquoi est-ce qu'on les voit jamais dans les collisions de particules en accélérateur? Et puis il y a un autre problème qui est assez compliqué, c'est que quand on met ensemble certaines de ces particules, on viole certaines lois fondamentales de la mécanique quantique. C'est lié à ce qu'on appelle les statistiques de Fermi-Dirac, les statistiques de Bose-Einstein. Et puis il y a le fameux principe de Pauli qui dit que pour ce qui est des particules définies, qui sont décrites par ce qu'on appelle donc les fermions, qui sont décrits par les statistiques de Fermi-Dirac, il ne peut pas y avoir des particules exactement dans le même état quantique, on dit ça, donc avec des nombres. Et il y a un baryon qui normalement devrait être composé de 3 quarks étranges qui devraient tous être dans le même état. Et c'est pas possible d'après la théorie quantique. Et certains chercheurs à l'époque, dont Gell-Mann, se disent, mais en fait, si on introduit un nouveau nombre qui va différencier ces particules, ben en fait, ils sont pas identiques. Donc, en fait, tout va bien. On peut sauver la théorie des quarks. Et en fait, Gell-Mann va appeler ça la couleur. Alors, initialement, il raconte il pense, puisqu'il y a 3 quarks et qu'il doit y avoir 3, en fait, 3 couleurs associées, il voulait, les couleurs, ça aurait dû être bleu, blanc, rouge. Quelqu'un l'en dissuade. Et finalement, il prend les couleurs bleu, rouge et vert, qui sont des couleurs primaires qui permettent de faire le blanc, par exemple. Et les gens ont commencé à être convaincus par la théorie à partir de la fin des années 60, parce qu'on fait des collisions très énergétiques avec des électrons. Et en fait, c'est un peu comme si on avait une sorte de super microscope. Et on finit par voir des choses qu'on peut interpréter comme des particules vraiment élémentaires et libres dans les protons, dans les neutrons. Et ça va vraiment convaincre les physiciens que c'est bien ça, qu'on les voit. Et au début des années 70, la théorie est vraiment admise. Et cette théorie, il la résume admirablement dans un livre grand public. Si vous êtes passionné par les particules élémentaires, Le Quark et le Jaguar, qui le publie en 1994, qui est traduit chez Albin Michel en 1995. On arrive à la fin de cette émission. Rapidement, peut-être un petit tour de table. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont nous n'aurions pas parlé que vous aimeriez mentionner, Caroline? Dans Science et Vie, si vous vous intéressez à la monogamie, il y a une étude. Un intérêt comme un autre, peut aimer la philatélie, on peut aimer les voitures de course et la monogamie. Qui éveille votre curiosité, il y a un article sur génétique et monogamie qui est assez marrant à lire. Est-ce que nous sommes tous déterminés à être monogames ou pas? Ça dépend de l'épigénétique. Évidemment. Mathias? Dans le magazine La Recherche, on s'est intéressé aussi à un phénomène assez étrange en cancérologie, des neurones qui se retrouvent au sein de tumeurs. C'est une équipe française qui a travaillé là-dessus. Alors la démonstration est faite chez l'animal, chez la souris, mais ça bouscule beaucoup de choses sur la formation et le développement des tumeurs, notamment des tumeurs de la prostate. Laurent, est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé qui vous paraît important à signaler dans l'actualité scientifique récente? Ben pour rebondir un peu sur la théorie des quarks, on a découvert il y a quelques années un pentaquark. Donc en fait, comme son nom l'indique, une particule qui serait formée de 5 quarks. Mais on n'était pas très sûr de savoir en fait exactement quelle était la structure. Et en fait là, les chercheurs du CERN ont publié un article en disant finalement on sait vraiment comment c'est fait. C'est plutôt en fait 2 baryons qui sont collés l'un ensemble. C'est une sorte de molécule en fait de baryons. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous parler de l'actualité scientifique et de la recherche la plus fraîche. Merci beaucoup Caroline Tourbe, à la une de Science et Vie donc. Théorie l'effondrement, est-ce que notre civilisation va s'effondrer? On a dit non tout à l'heure. Mathias Germain, à la une de la recherche. Épigénétique et environnement. Et Laurent Sacco, en une de Futura Science. Ah, vous posez un peu une colle. Eh ben, on va aller voir sur le site, ne vous inquiétez pas. On va aller voir sur le site de Futura Science. Voilà. Merci beaucoup à tous les 3. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, avec Étienne-Antoine Beauchamp, Noémie Néguet-Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Léonore Pérez, Laurence Malonda à la réalisation, Manuel Couturier à la technique. Dans les prochains épisodes de La Méthode Scientifique, lundi, nous parlerons de la sclérose en plaques et notamment des études sur les symptômes invisibles. Mardi, sera question des zones humides, dont 90% presque ont disparu en quelques dizaines d'années. Mercredi, nous demanderons à quoi ressemble semble le paysage d'Internet, mais vu de Chine. Jeudi, nous parlerons du positivisme scientifique avec Auguste Comte. Et vendredi, ce sera un vendredi fiction. Nous prendrons tous la pilule bleue pour fêter les 20 ans de la saga Matrix. Demain, à 16h, vous retrouverez, comme tous les samedis, Étienne Klein pour la conversation scientifique. On se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.